téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Cela commence par la grotte de Pêche-Merle et ses fameux petits chevaux ponctués, vieux de 25 000 ans. C'est bon signe. Mais cela finit par le travail des bagnards dans le camp de Saint-Laurent-du-Maroni, dont on rappellera qu'il ne fut fermé qu'en 1949. Le ton est dit. Voici l'Atlas archéologique de la France, ouvrage dirigé par Dominique Garcia et Marc Bouiron, paru aux éditions Talendier. 335 pages et autant d'illustrations, mais surtout des cartes, celles des voies commerciales, des religions, des fortifications, de la production du sel ou du vin, de l'émergence de la peste ou des terrains de jeu. Un ouvrage donc très original pour découvrir notre patrimoine, mais surtout la recherche de nos territoires sur depuis des milliers d'années. Tel sera le sujet du jour. Pour l'occasion, j'ai rencontré Dominique Garcia, professeur des universités et de l'Institut universitaire de France, actuel président de l'INRAP, dans son bureau dominant la rue d'Alésia, pour mieux découvrir les milliers de fouilles analysées dans l'ouvrage. Dominique Garcia, bonjour. Bonjour. Dominique Garcia, votre documentation n'est rien de moins que des milliers de fouilles françaises. Fallait-il encore en faire la synthèse ? Bien entendu, on n'avait jamais mis à plat et jamais mis en carte les 35 000 sites archéologiques issus de l'archéologie préventive, des fouilles programmées, mais également les sites historiques de la préhistoire jusqu'à nos jours, en métropole et dans les Outre-mer, qui étaient conservés, visibles. Donc on met en carte ce patrimoine archéologique français. Mais c'est une documentation gigantesque, qui est toujours là d'ailleurs. Ah oui, c'est les 35 000 sites dont je parlais de l'archéologie préventive, c'est les fouilles programmées, c'est ces données comme ça qu'on avait réunies. Et en bon archéologue, avec Marc Bouiron et une équipe de 12 collègues, on a passé au tamis ces sites pour les problématiser, pour présenter comme ça une nouvelle histoire de France sur 1 million d'années, des premiers migrants qui a mis le pied sur le territoire qui est devenu la France, jusqu'aux témoignages archéologiques des années 1960. Certains sites sont encore conservés, d'autres sont visités, tandis que les plus nombreux sont effacés. Voici quelques semaines, et suite à une émission, un auditeur de Carbone 14 s'est rendu sur le terrain, déçu de voir à la place de la fouille un giratoire totalement amnésique de son passé. Bah oui, c'est bien le problème, ou du moins la face cachée de l'archéologie préventive. La démarche de l'archéologie préventive, on a peut-être tendance à l'oublier aujourd'hui, n'est pas de laisser libre le terrain à l'aménagement, mais de restituer par l'étude. Et c'est bien là l'ambition de cet atlas. 20 ans après la promulgation de la loi sur l'archéologie préventive, refaire surface à ces sites archéologiques pour les restituer et les partager avec les chercheurs, les érudits, redonner à voir cette archéologie qui n'est plus visible. Ce que vous dressez, n'est-ce pas tout simplement des paysages historiques qui, bien sûr, n'ont cessé de bouger ? Bien entendu, l'environnement, les paysages est constitutif du patrimoine archéologique. Et ce qu'on a voulu, dans cet ouvrage présenté, c'est comment les territoires se formaient, comment de temps en temps il s'éclatait, il se structurait, et on imagine comme ça une France d'avant la France jusqu'à la mise en place de frontières de la période gauloise jusqu'à la période contemporaine. Dominique Garcia, évoquons l'actualité des temps anciens. Puisque je parlais de la grotte de Pêche-Merle, l'art préhistorique n'est désormais plus l'apanage de la Dordogne ou du Quercy. Alors, on l'avait déjà un petit peu en tête. Il y avait les découvertes surprenantes de Cosquer, les découvertes de Chauvet. On avait tous cette affection pour la vallée de la Dordogne, de la Vézère et ces sites en milieu calcaire ou karstique. Mais on avait oublié cet art préhistorique de plein air, de la période asilienne, les découvertes de Ronancourt près d'Amiens, les découvertes d'Angoulême, les découvertes du rocher de l'Impératrice en bordure de l'Atlantique. Et donc, en fin de compte, cette France préhistorique avait un art, et pas uniquement un art au fond des grottes, un art du quotidien, celle des chasseurs-cueilleurs qui gravaient des plaquettes, des dalettes. Et dans cet atlas, on donne une carte comme ça un peu surprenante de cet art mis au jour. C'est Marc Jarry qui se propose comme ça de revisiter l'art préhistorique des périodes anciennes. Et puis Fontainebleau, puisqu'il y a un papier qui vient de sortir sur une très belle peinture, donc dans la forêt de Fontainebleau. Restons dans l'art, mais changeons de période, le néolithique. Je sais que vous aimez Soulages et le musée Fenaille de Rodez. Là encore, les grandes statues humaines du Rouergue seraient les plus anciennes représentations de l'homme en grand format de l'Europe occidentale, mais nous en retrouvons de la Corse au Hauts-de-France. Bien évidemment, c'est le moment où les populations d'agriculteurs, mais également de métallurgistes, prennent possession de ces territoires. Ils veulent marquer ces territoires, probablement inscrire leur histoire dans ces paysages. Et on voit les premières statues grandeur nature mettre en œuvre. Alors la grande concentration, c'est bien entendu les séries du Rouergue, des confins du Tarn et de l'Aveyron, dans la région du Vaucluse. Mais récemment encore, sur l'autoroute A75, dans la région de Clermont-Ferrand, une statue de ce type-là est sortie. On avait également des découvertes en Suisse, on a des découvertes dans le Nord. Donc on redonne là aussi une cartographie de ce moment où la figure humaine apparaît et est présentée, dressée dans la nature. Oui, la Suisse, c'est bien sûr Petit Chasseur, site capital, donc fouillé par les archéologues suisses. Pourquoi ces représentations? Dans quel cadre social ces représentations sont réalisées? Quel est le message? Alors le message, il est essentiellement sans doute de marquer le paysage à un moment où il y a des enjeux géopolitiques, où le cuivre, notamment dans le Rouergue, est un atout majeur pour le développement des sociétés. C'est le nerf de la guerre. Et à ce moment-là, sans doute, des groupes, des clans, des tribus veulent marquer leur autorité sur un espace qu'elles exploitent d'un point de vue de ses ressources minières. Et donc inscrire son autorité sur un espace, montrer qu'on en est les dignes héritiers, c'est montrer la figure de l'ancêtre, l'homme ou la femme. Alors justement, celle du Rouergue de l'Aveyron reste cependant tout à fait extraordinaire, avec notamment la dame de Saint-Cernin, c'est bien ça? Un exemple parmi d'autres, effectivement, la dame de Saint-Cernin, qui est figurée dans cet atlas archéologique de la France, une sculpture en grès découverte en 1888 d'un peu plus d'un mètre de dans lequel sont figurées très nettement une femme, à peu près grandeur nature. On voit clairement les seins, on voit clairement des tatouages, une double ceinture. Et donc, elle marquait le paysage et elle montrait comme ça qu'une communauté était installée là et s'estimait héritière de ce personnage-là. Et les hommes sont beaucoup plus guerriers. Alors, bien entendu, dans les hommes, on voit des statues de ce type-là avec la représentation d'armes. Et on voit même certaines statues changer de sexe. On voit une nouvelle gravure qui permet de passer de femme à homme, voire de homme à femme. À la lecture de vos cartes, comme bien sûr des chapitres, il est dit que les menhirs n'étaient pas une des caractéristiques de la Bretagne. Un coup dur pour Carnac, qui est déjà en ce moment très convalescent. En tout cas, ce seraient sûrement les plus vieux, les plus beaux. Alors, bien entendu, le mégalithisme du l'Ouest est le plus ancien mégalithisme que l'on connaisse en France et sans doute en Europe occidentale. Mais la cartographie que l'on donne dans l'ouvrage montre la répartition sur tout le territoire national de certaines formes de mégalithisme. On voit des concentrations très fortes, notamment dans les pays cossonards. Et on voit dans toutes les régions ces éléments du mégalithisme qui sont présents. Et donc, c'est sans doute une des forces de cet atlas, c'est l'idée de réunir sur les mêmes cartes des informations qui avaient été rassemblées par des chercheurs localement. Donc d'une archéologie un petit peu éclatée autour des écoles, autour des universités, on essaie là d'en faire une approche un peu plus universelle, nationale. On a presque un manuel d'archéologie nationale avec cet atlas. Le mégalithisme en Bretagne, c'est le 5e millénaire. On peut penser que dans d'autres régions, cela a perduré un peu plus ? Alors, bien entendu, il a perduré très longtemps, mais le grand mouvement, c'est le 5e, le 4e et le 3e millénaire. Nous parlions tout à l'heure des statues menhirs du Rouergue qui sont de cette période-là. On le sait, il existe une dichotomie en France, la langue d'œil et la langue d'oc, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y en a toujours eu. Bien sûr, très différentes. Exemple, dès le néolithique, avec une France du Nord et une France du Sud. On voit sur les cartes des choses qui sont abordées par les chercheurs du néolithique depuis longtemps. Dans cet ouvrage, on essaie d'analyser au plus près, et notamment le phénomène de néolithisation, qui subit effectivement deux grands courants. Le courant cardial qui vient de la Méditerranée et qui apporte les nouveautés, l'agriculture, l'élevage, la production de céramique. Et puis le deuxième mouvement qui, lui, est le mouvement danubien et qui franchit donc la frontière dans l'est de la France pour ensuite courir le long de la vallée de la Seine jusqu'à l'Atlantique. Et donc on voit ces deux mouvements qui, effectivement, le mouvement méridional étant à peine un peu plus ancien, qui se mettent en place, et puis l'unification avec la période chasséenne chère à Jean Arnal. Il y a une sorte de fusion alors ensuite. Alors bien entendu, c'est la fusion qu'on appelle le chasséen, c'est la première France qu'analyse Muriel Gandelin dans cet ouvrage sur ses pages sur le néolithique, mais effectivement on voit cette césure, cet élan méditerranéen et puis cet élan continental qui arrive à fusionner cette France avant la France durant la période chasséenne. Alors cette dichotomie, nous pourrions aussi la voir au 1er siècle de notre ère. Après tout, la Rome a conquis le sud bien avant les années 50 avant notre ère. Mais ce qui est aussi curieux, c'est que cette dichotomie existe actuellement dans la recherche française. Alors cette dichotomie, oui, effectivement, est liée à des centres de recherche, aux universités, aux laboratoires. Et là, peut-être, effectivement, c'est une des vertus de cet atlas, de manière raisonnée et raisonnable, de mettre toutes les informations au même niveau. Les cartes que nous présentons ne sont pas des cartes des endroits où sont les chercheurs, mais la carte où étaient les habitants aux différentes périodes que nous étudions. L'âge du bronze est toujours le grand oublié de l'histoire française, hein, une sorte de Moyen-Âge qui dure d'ailleurs lui aussi 1000 ans, et qui pour vous n'est rien d'autre que le premier âge européen. Ce n'est pas rien. Alors ce n'est pas rien, c'est le moment où effectivement les différenciations sociales sont extrêmement accrues, où ces populations issues du néolithique rencontrent un nouvel enjeu qui est celui de l'accès au métal, au minerai, le minerai de cuivre et surtout le minerai d'étain. Et donc on va avoir comme ça des déséquilibres territoriaux et la mise en place de grands mouvements au niveau européen. Et donc on a une culture européenne de l'âge du bronze qui se met en place. Bénédicte Quillec l'analyse et commence d'ailleurs son chapitre par une carte qui est bien plus large que celle de l'Hexagone aujourd'hui, puisqu'elle prend une grande partie de la Méditerranée, une grande partie de l'Europe centrale, et qu'elle va ensuite jusqu'aux îles britanniques pour bien montrer l'extension de ce grand mouvement de l'âge du bronze. Alors je connaissais les relations entre la France et la Manche, et au-delà de la Manche avec l'Angleterre. Ça va jusqu'à beaucoup plus loin, l'Espagne et autres. Bien entendu, on a sur des espaces qui, les frontières ne sont pas les frontières qu'on peut imaginer aujourd'hui. La Manche, en fin de compte, relie les populations de l'âge du bronze du sud de la péninsule britannique à notamment les côtes normandes. Ça avait bien été étudié par Cyril Marcini et ses collègues. Et on retrouve le même mouvement de part et d'autre des Pyrénées et même sur l'arc alpin. La fin de l'âge du fer est bien sûr dans tous les manuels scolaires. Mais un de ces temps forts est celui des princes et des princesses de la Celtique, avec notamment le site de Vix et désormais celui de Lavaux, le prince de Lavaux, sorti de terre il y a peu. Pour vous, ces principautés ne sont en rien un hasard dans la grande histoire de la France ? Oui, les principautés celtiques, les états éphémères autour du seuil de Bourgogne, dans cette zone d'interfluve, sont des populations importantes qui ont émergé à un moment où les contacts entre la Méditerranée et le reste de l'Europe se développaient et où elles assuraient un rôle important de transit entre les produits de la Méditerranée, en particulier le vin, vers le nord de l'Europe, et du nord de l'Europe vers le sud, transiter les esclaves, les céréales, probablement du sel et sans doute de l'étain qui venait du nord et de l'ouest, plus l'ambre de la Baltique. Donc on voit qu'elles avaient là un rôle central de plateforme, un lieu d'échange, d'où l'émergence de ces sociétés à partir du 7e siècle et surtout au 6e siècle et au 5e siècle avant Jésus-Christ, ce qui commence déjà à pointer les enjeux forts de la conquête romaine 5 ou 6 siècles avant. On s'aperçoit qu'on a là le premier espace euro-méditerranéen, que les enjeux sont là, et Patrick Maguère, qui a traité cette période de l'âge du fer, là aussi sur presque 1000 ans, nous donne en fin de compte un petit peu ce cadre politique, économique, qui conduira à la colonisation de la Gaule et à la guerre des Gaules par César, qui presque en fait est un épiphénomène. C'est le point final d'une phase de méditerranéisation de l'Europe celtique. Dominique Garcia, vous avez lâché un mot, l'État. On peut parler d'État gaulois pour ces années, on va dire, 450 avant notre ère ? Alors, des cités-États, c'est évident, très probablement pour des sites comme Vix, pour des sites comme Bourges. Pour moi, ces principautés celtiques sont des cités-États au même titre que l'étaient les cités étrusques ou grecques. En tout cas, le système s'effondre. Le système s'effondre à partir des années 450-425 avant Jésus-Christ. Là aussi, parce que l'axe de circulation n'est plus le Rhône, la Saône et ensuite la Seine, la Loire, voire le Rhin, mais probablement des circulations maritimes qui se développent via Gibraltar pour remonter ensuite les côtes atlantiques vers les ressources en étain. Moins connues sont les villes gauloises, les oppida, pour reprendre un terme donc de César, qui pourraient être aussi un temps fort de cette période. La période où César intervient en Gaule, on avait déjà des villes dans le Midi depuis le 6e siècle, on a parlé des principautés celtiques dans le centre de la Gaule, et puis au 2e siècle, il y a ce grand mouvement de création des oppida un peu partout en Europe, et les cartes que l'on donne dans l'Atlas sont assez significative. Elle nous donne comme ça cette géographie de l'urbanisme avant la période romaine. Souvent, on parle de l'origine romaine des villes d'Europe occidentale. Là, on voit ces cartes des oppida celtiques du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et là, on constate de manière claire que 2/3 des villes gauloises sont devenues des villes actuellement. Et 1/3 de nos villes actuelles ont des origines gauloises. Ce n'est pas que Rome qui a inventé la ville. Les oppida celtiques étaient un réseau extrêmement fort d'urbanisation dont on peut retrouver les traces aujourd'hui dans les paysages et dont on fournit là une carte précise. La carte de la Gaule des villes au moment de la conquête romaine est presque en tout point similaire avec la carte ferroviaire de la SNCF. Il y en a absolument partout. Ainsi, le Paris-Clermont-Ferrand s'arrête à Chartres, Châteaudun, Orléans, Bourges, Château-Maillan, Hérisson et Gergovie, Terminus d'Ipérip, c'est ça ? Oui, je vous laisse libre d'avoir choisi cet exemple, mais il y a une loi, celle qui est de l'espace-temps, et effectivement, chaque 50-60 kilomètres, on retrouve une ville importante ou moyenne. C'est bien ça, cette notion de réseau, et aujourd'hui, ça montre aussi que les cartes qui sont présentées dans l'Atlas sont valables, parce que pour cette période-là, on retrouve une trame assez complète. On voit qu'il n'y a pas d'espace vide, on voit qu'il y avait une liaison et qu'il y avait un espace de sécurité, on va dire, entre chaque ville autour de 50 ou 60 kilomètres, qui correspond aussi à l'espace qui était exploité à des fins agricoles ou à des fins pastorales. On évoque toujours les routes romaines de l'Antiquité. Les routes gauloises étaient déjà là. Elle veut relier tous ces sites. On a des exemples aujourd'hui assez clairs où sous les voies romaines, on retrouve les routes gauloises. Sous la Via Domitia, on arrive à retrouver la Via Héracléenne. Et on voit qu'effectivement, bien entendu, au IIe siècle avant Jésus-Christ, et sans doute dès le VIe siècle, on circulait en Gaule sur des espaces aménagés. Avec, et j'incite à regarder cette carte dessinée par Olivier Blin et qui est particulièrement éloquente, celle d'un lien étroit entre la circulation fluviale et la circulation routière. On voit comment les axes routiers retrouvés par les archéologues viennent compléter les axes fluviaux et cette cartographie de cette circulation entre le deuxième siècle avant et le troisième siècle après, est fait de la conjugaison de circulation maritime, de circulation fluviale et de circulation routière. Dominique Garcia, évoquons le Moyen-Âge et le christianisme, religion bien sûr d'État, peu après l'édit de Milan en 313 de notre ère. Quoi qu'il en soit, entre le 5e et le 11e siècle, d'autres communautés religieuses existent ? Oui, pour la première fois, Edith Pretman, dans cet ouvrage, nous présente une carte dans laquelle on retrouve à la fois l'arrivée, l'émergence des premiers chrétiens, avec un foyer important dans la basse vallée du Rhône, Marseille, Arles notamment, mais également un autre foyer dans la région de Rouen et le long de la vallée de la Seine. Donc c'est quelque chose qui grignote un petit peu à partir du IIIe siècle, et qui bien entendu se diffuse de manière plus large au 4e ou 5e siècle. Et d'ailleurs la carte précise nous donne de manière précise les limites des évêchés pour le 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette carte des premiers chrétiens, on revoit aussi la carte des populations païennes antérieures, qui est très, très majoritaire durant cette période-là. Et puis sont pointées sur cette même carte la présence des musulmans dans la région de Perpignan, Narbonne, Béziers, Nîmes, où on avait pu fouiller une série de sépultures de musulmans au sein d'une petite nécropole chrétienne. Et on retrouve également sur cette carte pointés les témoignages de juifs en Gaule, alors des juifs les plus anciens reconnus notamment à partir de la lampe d'Orgon ou du sarcophage découvert par nos collègues du musée de l'art antique à Arles, mais également des inscriptions comme celle d'Auch qui témoigne de cette communauté juive en France dès une période ancienne, dès la plus haute antiquité et d'une manière forte à partir du 5e et du 6e siècle. Donc là aussi, on n'a pas des cartes qui sont séparées, mais une même carte dans laquelle on peut voir les populations avec les différentes religions. Et puis ensuite, progressivement, quand le christianisme devient une religion un peu plus forte. Pour la présence musulmane, on peut mentionner aussi, je crois, un four de potier à Marseille. Alors c'est un élément intéressant, effectivement, dans la typologie des céramiques médiévales de Marseille. On retrouve des formes qui sont sans doute inspirées du monde islamique et donc très probablement la présence d'artisans dans la ville de Marseille, ce qui, ma foi, ne saurait totalement surprendre. Les portes de l'Orient commençaient dans cette partie nord de la Méditerranée. Dominique Garcia, ce n'est qu'au XIIe siècle que les villes deviennent à nouveau un centre important dans l'organisation des territoires. C'est aussi le temps des villes neuves, d'un seul coup, des cartes avec des villes. Ah oui, le Moyen-Âge n'est peut-être pas le moment où l'urbanisation était le plus importante. D'ailleurs, gardons en tête que ce n'est que depuis 1930 qu'il y a en France plus d'urbains que de ruraux. La ville est une idée neuve dans l'histoire de l'humanité et cet ouvrage le montre bien. Et donc au Moyen-Âge, on avait encore une ville essentiellement rurale et puis le temps des Bastides est peut-être le moment où le réseau presque actuel des villes, ou du moins dans certaines régions, commence à se constituer. Vous avez aussi cartographié, et le résultat est assez étonnant, la diffusion des épidémies pour, par exemple, la peste noire, bien entendu, celle de 1347. Mieux valait vivre en Haute-Savoie ou dans le Finistère qu'à Montpellier ou Narbonne ? Alors, en tout cas, dans ces espaces largement occupés, dans ces endroits où l'on circulait, c'est bien entendu dans ces lieux où sont arrivées les épidémies, où ensuite elles ont été diffusées le plus largement, et on arrive comme ça à faire une carte relativement dynamique. Mais malheureusement, de ces événements, on en a encore la mémoire fraîche par des événements récents, notamment le Covid. Mais voilà, la carte de la peste noire est particulièrement intéressante. On voit comment, à partir de la vallée du Rhône, elle est remontée vers le centre de la France, comment, à partir de l'axe Haute-Garonne, elle se répand de la Méditerranée vers la côte atlantique, et puis on voit aussi son arrivée via les ports atlantiques. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les archéologues en retrouvent tout de même beaucoup, et quelquefois même au cœur des cimetières. Il n'y a pas de cimetière de pestiférés, forcément, justement pour cette peste de 1347. Alors, c'est des sépultures de catastrophe. Donc, en ce moment-là, les personnes qui meurent sont rapidement placées dans des cimetières de manière classique. Ensuite, on commence à constituer des fosses. On voit que là, à ce moment-là, les inhumations deviennent plus brutales ou sinon plus rapides. Enfin, c'est des sépultures de catastrophe qu'on arrive à retrouver dans les sites, à dater et aujourd'hui à analyser. Bien plus gai, vous faites aussi une France du divertissement, du moins pour la Renaissance. Et cela tombe bien puisque vous avez fouillé le château de Villers-Cotterêts où deux jeux de paume ont été trouvés. Oui, on voit ces jeux de rue, ces jeux de place, ces jeux de balles sur des terrains vagues. À un moment donné, rentrer dans les châteaux, devenir des jeux de société raffinés, des jeux officiels, et donc notamment à Villers-Cotterêts où la cour du château devient un véritable jeu de paume avec les fameuses galeries qu'il fallait étonner, et on donne comme ça une carte de répartition de ces jeux de paume de la période de la Renaissance découvert en France, une carte qui n'avait pas été renouvelée depuis le premier tiers du XXe siècle. J'évoquais les bannières de Guyane, mais l'outre-mer, peut-être la chose la plus importante de l'outre-mer est que vous prenez son histoire propre, celle de sa propre chronologie. Effectivement, cet atlas archéologique de la France est un atlas archéologique pas uniquement de l'Hexagone, c'est de tous les territoires qui aujourd'hui constituent la France. Donc on évoque les Guyanes, on évoque les Antilles, on évoque la Réunion et Mayotte. Et ça nous a paru intéressant, non pas de raconter l'histoire de ces territoires à partir du moment où ils devenaient français, mais leur propre histoire. D'autant plus que l'histoire de ces territoires éclaire aussi, bien évidemment, l'histoire de ces régions. Quand on fouille aujourd'hui ce que font nos collègues en Guyane, on éclaire l'histoire de toute l'Amazonie. Lorsqu'on fouille en Guadeloupe, lorsqu'on fouille en Martinique, c'est tout l'arc des Caraïbes qu'on est susceptible aujourd'hui de comprendre plusieurs millénaires avant l'arrivée du premier Européen. Et puis c'est celle aussi de l'esclavage. Bien entendu, c'est les moments les plus durs, c'est les moments les plus terribles sans doute de notre histoire, que l'on documente de manière claire dans les espaces colonisés, dans les espaces exploités, avec les cimetières d'esclaves, avec les fermes où ils ont pu travailler, avec leurs campements qu'ils occupaient en tant que tels, et en contrepartie, on éclaire aussi dans l'Hexagone les produits qui venaient de ces régions. Donc on a une très belle carte sur les manières de table à partir de la Renaissance et de ces produits nouveaux, le café, le chocolat et autres d'Inde, qui ont transformé la vie des populations en Occident avec ces produits nouveaux qui venaient de l'espace ultramarin.